Peut-être, Jean-Marc, tu peux nous introduire le sujet d'aujourd'hui? Oui, en fait, il est question de parler de la présence chinoise en Afrique, cette présence qui est présentée comme, comme une menace. Alors, menace pour qui, menace par qui, menace pourquoi, c'est ça la question. Et notre invité aujourd'hui, c'est un politologue, c'est un chargé, il est chargé de cours à l'Université d'Ottawa. Et ce qui est le plus important, c'est que c'est un chercheur qui a fait un travail terrain sur la question de la présence chinoise en Afrique, et qui a publié là matin à Paris un livre dont le titre est « Rôle et responsabilité des acteurs africains dans les relations sud-africaines ». Alors là, il parle de l'ethnographie, sociogénèse, des stratégies de réceptivité. Et donc, lui, il apporte un regard nouveau. Et c'est un peu ça qu'il est question aujourd'hui. Il va nous dire qu'est-ce que c'est, quoi cette menace, cette présence chinoise. Peut-être vous pouvez nous parler là de votre ouvrage de façon générale. Donc vous avez un ouvrage qui est intitulé « Rôle et responsabilités des acteurs africains dans les relations sino-africaines », publié aux éditions L'Harmattan. Peut-être vous pouvez nous parler un peu Oui, merci pour l'opportunité que vous me donnez et bonsoir à vos... à vos auditeurs. En fait, mon ouvrage part surtout d'un questionnement, parce que je suis parti vraiment, comme je dis, d'un questionnement. Je me suis rendu compte, en passant en revue la littérature sur les relations entre la Chine et l'Afrique, qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été écrites à ce sujet-là. Mais toutes ces choses-là, malheureusement, ne faisaient pas, faisaient peu ou prou d'état de l'action et du rôle des Africains dans cette relation. On n'en parlait pas beaucoup, alors je me suis posé la question, quel est leur rôle là-dedans? Quel rôle jouent les acteurs africains? Est-ce qu'ils ont un rôle? Et si oui, c'est lequel? Mm-hmm. C'est un peu ça l'essence, un peu du questionnement qui est à la base de mon ouvrage, quoi. Oui. Alors, mais en fait, peut-être vous pouvez élaborer un peu là-dessus sur les rôles. Oui. Mais d'abord, la première trouvaille qui est un peu quelque chose d'exceptionnel, c'est que j'ai découvert à travers mes recherches que la Chine n'était pas aussi influente que la littérature le disait en Afrique. Et mon livre essaie de montrer pourquoi la Chine ne sera pas influente en Afrique, disons dans les 10 prochaines années, par exemple. Où elle n'est pas maintenant, d'abord, et pourquoi ne sera pas dans les 10 prochaines années. Et c'est à partir de là que je me dis, si la Chine n'est pas aussi influente qu'on l'est supposé, alors ça renforce justement le rôle et la position des Africains. Ça veut dire que l'avenir de cette relation entre l'Afrique et la Chine dépend essentiellement de l'action des pays africains et des acteurs africains. À peu près, c'est la principale chose qu'il faut dire là-dessus. Et là, donc, je me suis interrogé à ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas comme acteurs dans cette relation-là. Quoi. Mmh. Mais quels sont les limitants de la relation de la Chine avec l'Afrique? Parce que, bon, on sait que la Chine investit dans plusieurs infrastructures un peu partout en Afrique. Donc, la présence est très importante. Qu'est-ce qui retient la Chine? Ou, en fait, parce qu'il y a, il y a des intérêts commerciaux assez intéressants pour la Chine. Oui, disons que ces intérêts commerciaux commencent à devenir intéressants, sont maintenant intéressants entre la Chine et l'Afrique, dans un certain sens, mais c'est surtout lié au développement de la Chine. Comme vous le savez, la Chine est l'un des rares pays du monde, c'est le seul qui, pendant plus d'une décennie, a connu une croissance à deux chiffres. Le résultat d'une telle croissance est que le besoin de son économie, les besoins de son économie sont multipliés par deux chiffres, à plusieurs chiffres d'ailleurs. Là, il faut toujours nourrir cette économie énergivore. Et l'endroit où on trouve les ressources minières et énergétiques, c'est en Afrique. Alors la Chine s'y est intéressée à l'Afrique pour venir chercher des ressources minières et énergétiques. Bon, évidemment, de plus en plus, on assiste à un type de change qui est un peu ce qu'on appelle un choc moderne entre les infrastructures, entre la Chine qui fournit des infrastructures à l'Afrique et puis et l'Afrique, les ressources minières, quoi. Donc, voilà à peu près comment ça se passe. Maintenant, l'élément qui, pour moi, c'est pour le bénéfice de qui, ou bien est-ce que ça a un bénéfice réel sur les populations africaines, c'est à l'échange. La réponse tout de suite, c'est non. Pour la simple raison que en économie, de plus en plus, on le voit, c'est que les économies qui sont basées uniquement sur les énergies extractives sont des économies très, très fragiles. Et l'un des risques qui est posé dans la littérature et qu'on évalue un peu, c'est que l'économie africaine est en train d'être extravertie une nouvelle fois. D'abord, elle avait été extravertie il y a quelques années au profit de l'Occident, c'est-à-dire que l'Afrique, c'est une des rares zones où on produit ce qu'on ne consomme pas du tout, qu'on ne consomme pas ou peu. Mmh. C'est-à-dire qu'on produit beaucoup le café, le cacao en Afrique, alors qu'on le consomme peu. C'est donc ce genre de relation qu'on a assisté aujourd'hui où il y a une économie qui est tournée vers la satisfaction des besoins externes. Oui. C'est un peu ça le risque qui fait craindre des choses. L'autre risque aussi dans ce courant-là, c'est aussi le recul au niveau d'un certain nombre, une influence au niveau politique. Puisque la Chine n'est pas forcément connue pour le respect des droits de l'homme, et il y a donc cette crainte-là que la Chine justement fasse reculer ou bien ait un impact sur les avancées en termes de droits de l'homme et de pluralité politique qu'on a observé ces derniers temps en Afrique. Qu'est-ce que vous faites des récents échanges entre, en fait, le président chinois s'est rendu dans certains pays africains récemment. C'est quand même assez significatif que le président de la Chine fasse une tournée africaine. Qu'est-ce que vous faites de ces dernières nouvelles? Je vais vous faire une confidence. Je vais vous faire une révélation. Depuis trois décennies maintenant, et de manière quasi automatique, et c'est très symbolique, l'Afrique est la première destination des dirigeants chinois. Ça, les gens ne le savaient pas là. Mais depuis pratiquement trois décennies là. Oui, il faut savoir qu'une des parties des relations de la Chine et l'Afrique puise beaucoup dans la symbolique. Hein. Il y a beaucoup de symbolique dans la rhétorique, qui est symbolique qui veut que la Chine crée à travers le discours sorte de ressemblance dans les conditions. Il y a tout ce discours qui mise sur les frais, sur la similitude. D'ailleurs, la Chine, en tant que telle, elle a beau être la seconde économie du monde, et quelques-uns publient qu'elle sera la première d'ici la fin de cette année. Elle se présente toujours comme un pays pauvre, en solidarité avec les pays africains. Il y a tout ce discours aussi sur l'histoire commune entre les Africains et les Chinois, notamment ce fait qu'ils ont été tous les deux à un moment donné, toutes ces deux entités ont été à un moment donné sous domination occidentale. Et il y a aussi le fait que la Chine a beaucoup aidé les pays africains au début de l'indépendance, dans leur lutte pour l'indépendance. Donc ces voyages-là sont vraiment des symboliques qui permet justement de marteler ces discours-là et renforcer justement ces liens. D'ailleurs, c'est d'autant plus important qu'il y a quand même une fibre assez palpable en Afrique, dans un certain nombre de pays africains, qui manifeste une sympathie, à l'égard de la Chine. Du moins, je ne sais pas si c'est une sympathie, on peut parler ça comme ça, au moins l'antipathie qu'ils ont par rapport aux Occidentaux s'est traduit par une plus grande tolérance vis-à-vis de la Chine. Donc, ce genre de voyage renforce justement ce genre de lien et c'est très symbolique. Maintenant, l'élément, il faut aller au-delà du discours symbolique et du symbolique pour voir un peu la réalité. La réalité est pas complexe et beaucoup plus délicate. Je veux dire, les voyages, c'est souvent l'occasion de promettre des investissements et des dons. Mais l'impact de tout ça sur la population moyenne, sur la classe moyenne et surtout sur la population en général n'est pas toujours aussi visible. Parfois même cet impact est négatif, malgré les visites des dignitaires chinois. Oui. Quels efforts, en fait, est-ce que les pays africains sont plutôt en train de rechercher des relations avec la Chine en général, ou est-ce que c'est plutôt la Chine qui est en train de rechercher? Parce qu'on sait que, bon, on parlait de milliards nécessaires pour simplement construire des infrastructures en Afrique pour, si on veut, développer l'économie, et que la Chine est en train de jouer un rôle important là-dedans. Donc, ça peut intéresser les pays africains, mais évidemment, il y a quelque chose là-dedans qui intéresse la Chine aussi, c'est les ressources. Est-ce que ce sont surtout les pays africains qui sont en train de faire des démarches pour aller chercher les Chinois? Entre parenthèses aussi, j'aimerais vous demander, je ne sais pas si vous avez par rapport au Zimbabwe aussi, je crois que la Chine a joué un rôle important pour si on veut, désenclaver ou appuyer le Zimbabwe qui était un peu sous pression de toutes parts là, au cours des 10 dernières années, jusqu'à temps qu'il y ait, enfin, encore aujourd'hui, je crois, parce que il y a une problématique qui est très particulière au Zimbabwe. Alors, je ne sais pas si vous pouvez parler dans le général pour l'Afrique et en particulier de la situation du Zimbabwe. Oui, d'abord, votre question tout à fait est très bonne, je me dis. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un double mouvement. Il y a aussi un besoin des ressources, mais aussi l'Afrique a besoin, un certain nombre de pays africains, notamment, ont besoin de varier leurs partenaires, à la fois commerciaux et politiques. Pendant très longtemps, ils ont eu comme partenaires les anciennes colonies qui ont aussi tenu un discours qui était un discours jugé paternaliste par certains. Alors, lorsque la Chine vient avec un discours qui est un discours de partnership, d'alliance, je n'ai pas dit les discours, la réalité est un peu différente, mais qu'un discours d'alliance, ce discours-là résume positivement. Alors, dans le cas du Zimbabwe que vous évoquez, qui est un peu similaire aussi au cas du Soudan, c'est que la Chine, justement, avec sa position de pays, avec sa position comme au Conseil de sécurité des Nations Unies, a cette capacité-là de pouvoir influencer un certain nombre d'éléments. Alors, sur le plan purement géopolitique, la Chine apporte donc un certain nombre d'éléments positifs pour un certain nombre de pays africains qui, par exemple, ont souvent été mis au banc des nations. En ce qui concerne, par exemple, la Chine et en ce qui concerne le Zimbabwe de manière particulière, on se souvient que la Chine avait été, vous vous souvenez du fameux navire d'armes chinois qui était apprêté et qui a été vraiment renvoyé, je parle en 2007, en 2006 justement, qui a été renvoyé parce que la Chine aurait, parce qu'il y a pas de peuple là, aurait affecté des armes à l'époque où il y avait un affrontement entre le MDC de Morgan Tsvangirai, l'ex-premier ministre, et puis l'agent de PF du président Mugabe. Mais ce qui est sûr, par exemple, là, ce n'est plus une supposition. C'est, par exemple, la Chine a offert au régime en place les moyens d'écoute technologique assez puissants pour pouvoir, par exemple, espionner sur ses adversaires et tout ça. Donc, cet appui qui est sûr, la Chine s'est toujours vue comme une puissance dissidente pour appuyer justement tous les groupes ou un certain nombre de mouvements ou de mouvements politiques ou de pays qui avaient été mis au banc de la communauté internationale. Un autre exemple qui est palpable, d'ailleurs, c'est aussi celui de l'Angola. Vous savez que en 2008, notamment, et en 2009, c'est en 2009, mais ça a commencé en 2008, l'Angola s'est vu refuser un prêt par la Banque mondiale à cause des conditionnalités que vous connaissez. Et puis la Chine a décaissé plus qu'il ne fallait pour justement combler. Donc, la capacité de la Chine a justement servi comme contrepoids à l'Occident en termes de pression était un atout aussi. Donc, et pour les pays africains, c'est important d'avoir un autre partenaire qui apporte notre son de cloche, qui apporte aussi un discours qui ne soit pas un discours analyste du « on vous dit quoi faire, vous devez faire ci, ça », un discours qui soit un peu plus respectueux de l'entité de l'Afrique comme entité. Entité indépendante, capable de prendre ses propres décisions et capable de pouvoir son avenir. Maintenant, l'autre son de cause, c'est est-ce que ça n'encourage pas ce nombre d'attitudes, comme c'est le président Mugabe, dans une, que ce soit en termes de muselage de la divergence dans son pays, la divergence politique ou celle du président soudanais format El Béchir qui a maintenu justement cette pression justement dans au Darfour, malgré la pression, malgré la pression internationale, et qui n'a survécu que grâce au soutien de la Chine. Mmh. Bon, ces questions se posent. Alors, il y a un groupe de personnes, il y a un groupe d'auteurs qui se posent la question en disant oui, c'est une attitude respectueuse de la particularité africaine, de ses capacités, des capacités des États africains à prendre leurs décisions. C'est aussi une attitude qui encourage un certain nombre d'attitudes antidémocratiques et non pluralistes. D'accord. Voilà à peu près ce qu'il faut dire à ce sujet. D'accord, je vais juste rappeler à nos auditeurs que je m'entretiens avec Serge Banyongen, qui est doctorant à l'Université d'Ottawa. Non, pas doctorant. Ah, pardon. Docteur. Ah, vous êtes docteur, d'accord. Oui. Donc, qui est l'auteur de « Rôle et responsabilité des acteurs africains dans les relations sino-africaines ». Je vous pose une dernière question avant pour conclure cette entrevue. J'aimerais que vous nous parliez aussi, en fait, ben, on sait que l'Afrique, c'est aussi, il y a beaucoup une chasse gardée de la France et des États-Unis qui jouent des rôles importants, les États-Unis notamment avec l'Africom, qui veulent maintenir une pression et une présence militaire sur tout le continent, et évidemment la France qui joue un rôle prépondérant. Donc, comment voyez-vous les relations, si on veut, entre les puissances coloniales et justement cette présence chinoise? Oui, alors d'abord, il faut peut-être faire une position qui est importante, parce que ça, il faut le dire un peu. L'impact ou bien le poids des États-Unis en Afrique est un poids structurel. Il n'est pas un poids relationnel. Je m'explique, c'est-à-dire que la Chine, et vous allez parler l'Afrique, mais on peut revenir sur d'autres éléments. Les États-Unis, leur présence, elle est postérieure à la guerre froide. Et parce qu'une des raisons que l'on a appelé un certain nombre de chercheurs, que j'ai d'ailleurs repris le terme aussi dans mon livre, qu'on a nommé la sous-traitance impériale. Alors, pendant les années de guerre froide, les Américains ont sous-traité l'Afrique à l'Occident, à leurs alliés occidentaux. En fait, il était question pour eux d'avoir des gens qui ont assez de ressources, assez de forces pour pouvoir permettre de lutter contre l'ours soviétique. Alors pendant ce temps-là, si vous regardez l'action des États-Unis en Afrique, à l'exception faite d'une présence un peu dans le Zaïre de Mobutu à l'époque, mais il n'y a pas vraiment une présence réelle des Américains en Afrique. Il y a donc un recul qui est volontaire parce qu'il est question pour l'administration américaine de laisser la partie l'Afrique comme chasse gardée des Occidentaux, justement d'Angleterre, la France et un peu de l'Allemagne et pourquoi pas de l'Italie, afin qu'ils puissent y aller puiser les ressources qui étaient nécessaires justement pour faire face au bloc soviétique. À la fin de la guerre froide, l'esprit mercantile et justement de libre concurrence américain est revenu. Si vous regardez toutes les activités, toutes les actions américaines en direction de l'Afrique, que ce soit le PLUFA, que ce soit qui est justement le plan de George Bush pour lutter contre le sida, que ce soit la GOA et même l'AFROCOM, toutes ces actions qui étaient vraiment un retour sont post-guerre froide. Là, ce qui se passe, évidemment, dans la situation pareille, c'est que si vous laissez votre place, comme les États-Unis, vous allez trouver qu'elle est occupée. Elle est solidement occupée. Alors, la France et un certain nombre de pays, et un peu l'Angleterre, sont solidement ancrés en Afrique et ont un poids qui est de loin, mais alors de très, très loin, non seulement supérieur aux États-Unis, mais aussi hyper supérieur à la Chine. Et vraiment pas, ça, j'insiste là-dessus parce que beaucoup de gens font beaucoup d'erreurs sur une présence quelque peu symbolique de la Chine en Afrique avec une présence occidentale. Il y a des mesures, le poids entier de la Chine, le poids vraiment du pouvoir en Afrique répond simplement de l'Occident. Parce que ce pouvoir-là, il est pluriel. Il est pluriel, par exemple. Je vais vous prendre un cas simple que les gens ne comprennent pas ça. Vous savez que rien que pour avoir un prêt, pour prendre un prêt auprès de la Chine, les pays africains, la plupart des pays africains ont encore besoin de bénédiction de la Banque mondiale et de l'institution de Bretton Woods. Même pour prendre un prêt auprès de la Chine, je vous dis à quel point un certain nombre de pays ont un poids aussi important. Et la Banque mondiale et l'institution de Bretton Woods, c'est surtout les Occidentaux qui gèrent à ce niveau-là. Donc, je vous rappelle qu'il y a cet élément-là. L'Afrique, pour longtemps et pour un certain nombre d'éléments, est encore la chasse, gardée de la France, de l'Angleterre et dans une autre mesure d'autres pays européens. Maintenant, est-ce que les Américains peuvent changer quoi que ce soit? Je pense que de plus en plus, les Américains ont transformé le pouvoir. C'est même pour ça qu'ils ne sont pas bien analysés. Les gens voient toujours un peu, il y a un pouvoir qui est un pouvoir militaire qui est présent. Mais le véritable pouvoir américain est de plus en plus structuré et discursif. C'est-à-dire qu'à travers un nombre de structures comme la Banque mondiale ou les Nations unies, autre chose, ils peuvent contrôler un certain nombre d'éléments en place. Et c'est ça aussi qui donne un poids. C'est ça qui donne un poids à l'Afrique. Mais depuis le plan purement relationnel, c'est un peu. Il n'y a pas photo là. Je veux dire, la plupart des pays africains sont largement sous la domination occidentale. Des pays comme les pays, par exemple, de l'ex-colonie française n'ont même pas leur propre monnaie. C'est vous dit ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas la capacité d'avoir leur propre monnaie, mais pas seulement. Oui. Et c'est des pans entiers d'économie qui dépendent des pays occidentaux. C'est-à-dire des pans entiers. Des pans comme l'eau, l'électricité, le téléphone sont entièrement et parfois sous un monopole qui est de 25 ans ou parfois plus. Entièrement dominé par les entreprises occidentales. Donc, bon, évidemment, que la Chine vient construire que petite route, ça est là, à la limite, encore que ce n'est pas la meilleure. La plupart des fournisseurs de la Chine à l'Afrique sont les Occidentaux. Ah bon? C'est-à-dire que, oui, ça, écoutez, mais prenons l'exemple, c'est ça, les gens ne le savent pas. Mais si vous voulez, vous avez une entreprise chinoise dans un pays où celui qui a l'entreprise qui gère, qui a le monopole de l'eau, pendant 25 ans, c'est l'entreprise française. Qui va être le premier client? C'est la France, c'est l'entreprise française. Si vous avez une entreprise chinoise dans un pays où les gens qui ont le quasi monopole de la téléphonie, peut-être de la téléphonie, par exemple, pas mobile, là, de plus en plus, on est en train de libéraliser ça. Mais il y a des monopoles que ce soit le transport, l'eau, l'électricité, un certain nombre d'énergie. Même, et surtout, dans le pétrole. Vous savez, parfois on dit les Chinois, ils exploitent peut-être en Angola, mais quand vous regardez réellement, dans les pays comme d'autres pays là, les Chinois en fait achètent du pétrole de l'exploitant qui est sur place. Cet exploitant là, c'est souvent soit les Américains, soit les Européens. Oui. Donc c'est pour ça qu'en réalité, bon, il y a peut-être un discours parce qu'il y a quelques petites entreprises occidentales qui perdent le marché par rapport aux Chinois, mais en réalité il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat pour les Occidentaux en Afrique. D'accord. Ça, c'est, les gens ne comprennent pas ça là, mais la réalité est difficile et ce n'est pas demain que ça va changer parce que le pouvoir occidental en Afrique est un pouvoir qui a une triple dimension. C'est un pouvoir qui est beaucoup plus diversifié. C'est pas un pouvoir, il y a un pouvoir discursif qui n'est même pas visible. Oui. Vous comprenez? Donc, qui tient compte d'un certain nombre de relations informelles qui vont vraiment creuser dans un certain type d'événements comme la Françafrique ou bien qui elle aussi plus dans d'autres événements comme la franc-maçonnerie, d'autres événements qui échappent vraiment à l'analyse factuelle. D'accord. Mais qui est très très complexe. Donc c'est un peu ça qu'il faut dire à ce niveau. Si je peux me résumer deux choses importantes. La première chose, oui, c'est allez-y, que, rapidement. Rapidement, c'est que l'Afrique, la plupart des pays africains sont encore et pour longtemps la même, on sont encore la chasse gardée des pays occidentaux, des pays occidentaux, surtout des pays européens, notamment la France et les États-Unis, la France et l'Angleterre. Les États-Unis reviennent un peu en place avec un certain nombre d'approches qui est surtout lié au libéralisme économique, mais c'est difficile. Donc leur appui est surtout un appui, une présence, un pouvoir, comme je disais, structurel, c'est-à-dire à partir des structures comme la Banque mondiale et les Nations unies. L'autre élément, c'est que oui, la Chine arrive, elle en place, elle a quelques éléments, elle entretient un discours de partenariat, et puis bon, elle investit un peu dans l'infrastructure, mais c'est beaucoup plus folklorique et périphérique que dans la réalité, parce que la réalité du pouvoir demeure encore et toujours entre les mains des Occidentaux. D'accord. Merci beaucoup. Alors, c'était Serge Banyongen, qui est donc professeur à l'Université d'Ottawa. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Je vous en prie, ça m'a fait plaisir. D'accord. Alors, je rappelle que Serge Banyongen est donc politologue et chargé de cours à l'Université d'Ottawa. Son dernier ouvrage est intitulé « Rôle et responsabilité des acteurs africains dans les relations sino-africaines, ethnographie et sociogenèse des stratégies de réceptivité » et publié aux éditions L'Harmattan en novembre 2013. Donc, restez à l'écoute. C'est l'émission Amandla qui se poursuit. On vous revient dans quelques instants suite à cette pièce de Freddy Massamba de son album Makassi. On vous revient tout de suite après ça en anglais. Bate na bolingo matata ezanga kate kasio salima tata okimina ko okena yo baluki yo mokilina mbape ba moniote zindela ngata mokanda na yebana